Quand je suis dans ma bulle, je suis somnambule. Je puise dans l'océan un doux moment. Je visite tes jolis yeux qui disparaissent tous les deux quand un sourire tout grand envahit ton visage d'enfant. Et moi je m'envole, j'ai le cœur en farandole. Tu me soulèves de terre comme une montgolfière. Je m'envole, j'ai le cœur en farandole. Pour moi les enfants, il n'y a quand je suis dans ma bulle, je suis une libellule. Je survole la mer, j'y pêche un souvenir cher. Je sens tes petits bras tout doux qui s'enlacent autour de mon cou. Savais-tu que c'est toi parfois qui berce l'enfant en moi? Et moi je m'envole, j'ai le cœur en farandole. Tu me soulèves de terre comme une montgolfière. Je m'envole, j'ai le cœur en farandole. Pour moi les enfants, il n'y a quand je suis dans ma bulle, mon cœur bascule. Je navigue dans tes eaux, il n'y a rien de plus beau. Merci petit brocoli, tu rends hommage à la vie. Tu me ramènes à l'essentiel, c'est vrai que je t'aime gros comme le ciel. Et moi je m'envole, j'ai le cœur en farandole. Tu me soulèves de terre comme une montgolfière. Je m'envole, j'ai le cœur en farandole. Pour moi les enfants, il n'y a merci petit brocoli, tu rends hommage à la vie.